Alors à présent, quel est le message de l'oracle de Béline pour le mois de mai 2022 pour nos amis Gémeaux? Que va nous dire le Béline pour les Gémeaux en mai 2022? Quel est son message? Ouh, deux très belles cartes, réussite et épanouissement. Donc voilà qui est bien parti. Alors, quel est le message du Béline pour les Gémeaux en mai 2022? Alors, je mets les autres cartes de côté. Bon, ça va, d'accord. Alors en fait, eh bien, amis Gémeaux, apparemment vous allez beaucoup vous amuser au mois de mai. Il va y avoir beaucoup d'invitations, vous allez être pas mal sollicités pour sortir, pour rencontrer du monde. Et je dirais, ben, acceptez, allez-y, parce que la carte qui rayonne sur le jeu, c'est le bonheur, donc il faut vivre l'instant présent. Et par rapport justement à une période un peu plus tristoune, tristounette dont vous êtes sorti, eh bien ici, le mois de mai est pour vous une période de grande satisfaction, de sympathie, de joie diverse, avec même peut-être à la clé, pour certains, une rencontre amoureuse. En tout cas, si vous êtes en couple, eh bien, toutes ces... ce beau mouvement, cette belle ronde amicale autour de vous vous fera du bien. Et si vous êtes seul, eh bien une rencontre est possible parmi vos amitiés. En tout cas, n'hésitez pas à profiter de ce beau mois de mai, à sortir, voyez du monde et rester dans cette joie de vivre qui vous est propre. Alors profitez!